Non, il s'agit de ma bouffarde. Je vais pas prêter ma pipe. Gamin, non? Oh, prête-moi ta pipe, pépé. Tu dis que tu es toujours, toujours gentil avec ton petit-fils. C'est pas prêter ta pipe, pépé. Ah non, ma bouffarde, alors, tu me le merde. Moi, je tiens ma pipe, moi. Oh, on est marre. Sois gentil, pépé. Prête-la-moi ta pipe. Non, je la prêterai pas. Les voisins, bourreaux d'enfants, bourreaux d'enfants. Mais tu vas pas mettre tout le quartier, moi je vais pas prêter ma bouffarde, non. Prête-la-moi ta pipe. Prête-la-moi. Non, je t'apporterai pas. Achetez-vous, allez, ta pipe. Regarde ce que j'en fais de ta pipe, pépé. Ah, oh, mille morts, ma bouffarde. Pourquoi t'as mis ma bouffarde dans mille morceaux? Parce que l'autre fois, il y a papa qui a dit comme ça, il dit, tiens, quand grand-père, il cassera sa pipe, on achètera une voiture neuve.